Pas de temps pour la sommation. Il faut se rendre au but. Fusillage et mitraillage seront les deux scènes modernes de l'exécution radicale.